Le lundi 20 mars, ici Dominique Lelièvre et les informations. La fébrilité gagne CKRL à moins de 2 semaines de la tenue de son radiothon. Votre radio dévoilait ce matin la programmation de ce radiothon avec la participation de ses 2 porte-paroles, la chanteuse Catherine Durand et l'homme d'affaires Alain Slight. Cette année, l'objectif est d'amasser 42 000 $. Du 31 mars au 2 avril, des dizaines d'artistes offriront des concerts intimes dans les locaux de la station sur la 3e avenue. Ghostly Kisses de la Reine ou encore Pierre-Hervé Goulet seront de la partie et des bénévoles tiendront l'antenne 24 heures sur 24 pour recueillir les dons des auditeurs. Pour l'artiste Catherine Durand, CKRL continue d'occuper une place de choix dans le paysage médiatique. CKRL a toujours été là depuis le début. T'sais. Moi, je me rappelle mes premiers souvenirs d'entrevue à Québec, c'était avec CKRL. Donc, je me dis, ils ont été là à mes premiers balbutiements dans le domaine de la musique, dans le milieu de la musique, puis ils sont encore là aujourd'hui, presque 20 ans plus tard. Donc, ils m'ont jamais lâché. Puis, je pense qu'ils sont fidèles aux artistes qu'ils aiment. Ils sont fidèles aussi à la relève, à tout ce qui est nouveau dans la ville de Québec, mais aussi ailleurs dans le Québec, dans la province. Donc, tu sais, pour moi, CKRL, c'est tellement une radio qui est importante, qui est vitale. Québec, capitale mondiale du ski de fond, c'était le cas au moins ces 3 derniers jours, alors que 60 000 spectateurs ont assisté au final de la Coupe du monde de ski de fond sur les plaines d'Abraham. De quoi réjouir le patron de Gestev, Patrice Drouin, qui a organisé l'événement à la hâte suite au désistement il y a 2 mois de la Russie. L'Office du tourisme de Québec évalue de son côté les retombées économiques de l'événement à 4 millions de dollars. Les commerçants de la Grande Allée peuvent remercier Alex Harvey, qui était la véritable vedette de l'événement. L'athlète de 28 ans termine la saison 3e au classement général. Dimanche, il a terminé 2e à la poursuite du 15 km à seulement 2 cm du vainqueur. Et puis, la famille d'une victime de la tempête de neige de la semaine dernière songe à poursuivre le gouvernement du Québec. Les proches de Pierre Thibault, décédé dans son véhicule près de Montmagny, en veulent au ministère des Transports et à la Sûreté du Québec. Aux côtés de l'avocat Marc Bellemare, ils affirment que les autorités n'en ont pas fait suffisamment pour récupérer l'homme de 42 ans et le second occupant du véhicule qui sont vraisemblablement morts asphyxiés. Rappelons que dimanche, la Sûreté du Québec a limogé un 2e officier en lien avec le cafouillage de l'autoroute 13 à Montréal. Enfin, aux États-Unis, c'est une importante rebuffade que vient de servir le FBI au président américain Donald Trump. Le directeur du FBI, James Comey, a démenti toute écoute électronique de M. Trump durant la campagne, comme il l'a affirmé sur Twitter il y a 2 semaines. Devant la Chambre des représentants, le chef du renseignement intérieur a estimé qu'aucun président ne pourrait ordonner de telles écoutes, soulignant la rigueur de la procédure juridique pour en avoir l'autorisation. Le FBI a aussi confirmé qu'il enquêtait sur l'ingérence russe pendant la dernière campagne présidentielle et même sur une possible coordination entre Moscou et des proches de M. Trump. Printemps, été, automne, hiver, météo. À la météo, eh bien, on est choyé en ce premier jour du printemps. C'est du soleil, beaucoup de soleil, quelques nuages. Cependant, en après-midi, il fera 3 degrés dans les prochaines heures. Présentement, à Québec, on a 1 degré et il y a quelques nuages déjà dans le ciel. Demain, mardi, c'est du soleil également avec 4 degrés. Par contre, le redoux pourrait être de courte durée. On nous annonce un moins 9 degrés pour mercredi et Environnement Canada aussi averti qu'il y a donc une possible tempête qui se dessine pour la prochaine fin de semaine, mais évidemment on est encore loin de ça. Mentionnons aussi qu'il y a présentement un avertissement de smog qui est en vigueur pour la région de Québec.